بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. اقرأ بسم ربك الذي خلق. Lis au nom de ton Seigneur, lui qui a créé. خلق الإنسان من علق. Qui a créé l'homme d'un caillou adhésif. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui est tout bonté, qui a instruit par l'usage de la plume, qui a instruit l'homme de ce qu'il ne savait pas. كلا إن الإنسان ليطغى. Pourtant, l'homme devient arrogant dès qu'il se sent suffisamment nanti. En vérité, c'est à ton Seigneur le retour des ressuscités. As-tu vu le cas de celui qui tente de dissuader notre fidèle serviteur de prier ? أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوَمَرَ بِالتَّقْوَى. As-tu vu s'il est sur le droit chemin ou s'il ordonne les actes de piété ? أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. As-tu vu s'il renie et se détourne de ta mission ? Ne sait-il pas qu'Allah l'observe ? كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. Mais alors, s'il persiste, nous allons le saisir par le front, ce front menteur et coupable. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. Qu'il fasse appel aux siens, nous appellerons les anges de l'enfer. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. Eh bien, évite de l'écouter et continue de prier en te prosternant pour te rapprocher de nous.